C'est décidé, des fois je suis seul à la cité. Je vous dis goodbye sans hésiter. Ah ah ah, je suis pas trop bien en vérité. Je vois des gens que j'aime me quitter. Qu'est-ce que j'ai fait pour le mériter? Désolé, la miss m'a abandonné. J'avais plus rien à donner, faut ouvrir les yeux à un moment donné. La belle vie, c'est ça que je voulais. Je me suis mis à me saouler. Je faisais des rêves, je m'envolais. Nanana, nanana, na. Je veux partir, ils sont jaloux des problèmes. Oh nanana, j'ai beau aller me balader, le check me colle comme un aimant. On peut sourire et se balafrer, on peut souffrir en s'aimant. Je vais faire ma vie, tracer ma route loin de là. Car elle est dure la vie, quand entrer tu pleures des larmes. Je te dis goodbye mon amour, goodbye mon ami, goodbye mon amour, goodbye mon ami, goodbye mon amour, goodbye mon ami, goodbye mon amour, goodbye mon ami. Pour ce qu'on grandit sans papa, pour ce qui est de la vie sans tape, ce mec en chien qui va se faire un tabac. Je veux me tailler, c'est pas où, je suis cramé de partout. Je veux me retrouver sous le soleil, sa peau de paille est groupe et tout. Le temps s'écoule, je te dis, j't'aime au moins, c'est fait. T'as vu tout seul, je me débrouille après ces années d'anxiété. À savoir si j'allais taffer ou si j'allais rester dans les somnies. À rapper dans ma chambre pendant que tu fermais tes deux âmes sur mon lit. Wo yo yo yo, ça y est, je veux me barrer. Wo yo yo yo, mes voisins me prenaient pour un taré. J'ai fait des tours et des tours et des tours, je me suis amusé. Les femmes et les potos m'ont jugé. Mon frérot, la galère, la police, c'est terminé. Je m'en vais loin, je suis mal luné. Goodbye mon amour, goodbye mon ami, goodbye mon amour, goodbye mon ami, goodbye mon amour, goodbye mon ami, goodbye mon amour, goodbye mon ami, goodbye mon amour, goodbye mon ami. Goodbye mon amour, goodbye mon ami, goodbye mon amour, goodbye mon ami, goodbye mon amour, goodbye mon ami. Thank you.